Faut pas jouer les dangereux, c'est pas un jeu. J'connais bien les enjeux, j'pense à nous deux. Viens, on sort du réseau, on se parle en vrai. J'serais peut-être derrière les barreaux, on se voit après. J'fais des millions d'euros, des millions sur Vevo. Ça touche pas mon ego, j'cours pas après l'ego. Wow, j'm'en bats les os, même si son boulet gros. J'pourrais toutes les pécho, mais avec toi y'a autre chose, yeah. Si j'sors le Glock, c'est pour de l'argent. Ma ceinture est italienne, le moteur est allemand. On a la meilleure cam, pesée, analysée. Voiture banalisée, on est déjà pissé. J'compte plus les nuits où j'ai rêvé qu'on se barrait d'ici. On traverse les portiques avec bagages à main Gucci. J'ai pas pleuré dans la haie, j'rigole en classe business. Yeah, j'suis vandalisé, vandalisé, rends-moi mon cœur. Dit de me canaliser, je prends de la hauteur. Avenue Montaigne, dévalisé, dévalisé, dévalisé. Tu seras ma meuf, ma go, ma watch, mon âme sœur. Y'a des liasses, des liasses, des liasses de toutes les couleurs. Avenue Montaigne, dévalisé, dévalisé, dévalisé. J'ai la plus grosse survoie, car je suis l'aîné du clan. Elles veulent des boules de Renoir avec des nez de blanc. Dom Pérignon pour les rats des goûts, maison chicha par balle refou. On mélange des produits hautement toxiques, ne faites pas ça chez vous. Toute la semaine, j'bibi ma cam, le week-end sur un yacht à Deauville. Plus fort que Superman, j'peux même gérer Loïs dans Smallville. Casse pas trop ton vice, hey. Dis-moi quand on se voit, hey. Fuck ton 06, hey. J'veux ton mode d'emploi, hey. Quand les mythos veulent manger, j'ramène un chargeur camembert. La taille des Benz, la taille du Banks, la taille du fourgon cellulaire, hey. J'compte plus les nuits où j'ai rêvé qu'on se barrait d'ici. On traverse les portiques avec bagages à main Gucci. J'ai pas pleuré dans la haie, j'rigole en classe business. Yeah, j'suis vandalisé, vandalisé, rends-moi mon cœur. Le prank m'a dit de me canaliser, j'prends de la hauteur.